Section 16 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 16. L'analyse. Qu'est-ce que Charlotte me raconte, ma pauvre Lily? Elle prétend que tu n'as pas de goût à la grammaire. Écoute, maman, tu as dit que j'avais fait une belle phrase où tenait toute la grammaire et que nous enverrions les mots les uns après les autres. J'aimerais mieux cela. Te la rappelles-tu, ma phrase ? Bien sûr, j'y ai eu trop de plaisir pour l'oublier. Oh oui, petite mère, j'ai demandé au bon Dieu d'être bien sage pendant toute la journée pour contenter papa et maman. Nous ne sommes pas sortis jusqu'à présent des mots de ta phrase. Ces noms, tu les as vus ? Elle a des adjectifs, petit et sage, un pronom dans « j'ai demandé », tu trouves à la fois avec le pronom « je », un participe passé et le verbe auxiliaire « avoir ». Il ne te reste plus que quatre espèces de mots à apprendre. Nous les trouverons aussi dans ta phrase. Et sais-tu comment s'appelle ce que nous faisons là ? Eh bien, c'est de l'analyse grammaticale. Tu ne diras pas, j'espère, qu'analyse est un vilain mot. Il est bien aussi beau que lise. L'analyse fait comme la femme de lessive que nous avons eue l'autre jour, qui triait dans le paquet de linge les mouchoirs, les chemises et les bas pour les mettre ensemble. Elle prend tous les mots d'une phrase, espèce par espèce, les appelle par leur nom et les met ensemble. Fin de la section 16, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.